Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Paparata, mon pote. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de La Courte Échelle. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée dans l'émission hebdomadaire de La Courte Échelle, eh bien, des nouveautés. On commence tout de suite cette émission sans plus tarder avec des palmiers, des cocotiers. C'est une nouveauté signée André Varin, que l'on connaît bien dans cette émission. À noter qu'un autre album va également sortir avec son duo Folklofolie. Cathy Etting est dotée d'un organe vocal puissant sur 3 octaves réelles. Cette spécificité remarquable lui permet une grande fluidité technique. Elle peut aller du lyrique au jazz en passant par le groove. Capacité rare, elle est reconnue depuis des années grâce à cette particularité, tout en se réinventant à chacun de ses projets. Et la voici avec Rain. Le rendez-vous des artistes indépendants. Rain has no color, no other color in your eyes. for wondering. You seem not to answer, hoping for some light and thunder, while your face is of a wonder. Why say in the right things, killing time, contemplating. Just hanging on your wall in my misery. Standing and waiting for the cure and no amnesty. Feast you, what do you feel? Let me keep my integrity. Bangaï, c'est le mariage musical de la chanson française, de la pop alternative. Le titre Me fait pas croire est porté par les mots et les notes d'Anne-Sophie Bourleau, l'âme de Bangaï. La réalisation de Charles Saint-Amour met en beauté de magnifiques arrangements de cordes. Me fait pas croire fait partie de ces œuvres qui nous frappent de plein fouet dès la première écoute. Je ne fais pas croire qu'elle ne rien faire en soi. simuler un voyage dans les contrées alternantes du réel et de l'imaginaire. C'est le mandat que s'est confié Banitsa, un groupe montréalais de musique instrumentale originale et qui fait paraître un album qui s'appelle Ravaudage. En voici un extrait avec Automne Chacal. La courte échelle. Chaque semaine, découvrez dans la courte échelle le meilleur de la scène indépendante. Nouveauté encore avec Audio Room, l'artiste que vous avez découvert dans la courte échelle sans doute, Everything is Transformed. Thank you. Checo est originaire de la Suisse. C'est un DJ, producteur de musique house progressive, d'EDM et de trance. C'est à la fin des années 80 que tout commence. Il organise des soirées et s'y produit comme DJ. Le voici avec sa nouveauté, Écoute ton cœur. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Je me suis senti ignoré. Je t'ai parlé et enfin tu m'as regardé. Dans nos yeux, nos cœurs se sont reflétés. Ils sont maintenant à jamais enlacés. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. C'est un pouvoir entraînant. Je partage sur mon chemin communiant une histoire, un récit qui se veut palpitant. Jusqu'au bout, cette aventure sera-t-elle un fleuve grandissant? Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Vous l'avez elle aussi sans doute découvert dans la courte échelle, elle s'appelle Magali Michaud, c'est une vraie ambassadrice de la chanson française, on peut la considérer comme telle, voici notamment « Comment faire sans ». La courte échelle. Le thé servi dans les tasses, les petits gâteaux étalés, les blagues fusent de tous côtés. Entre les garçons et les filles, on papote tous en famille. Les petits bonheurs quotidiens, être entouré par les siens. Et soudainement, c'est indécent. J'ai pas la clé pour résister. vivait dans un espace où chacun avait sa place. Mais tout ça s'est oublié, va falloir recommencer. Dans ma tête ça part en vrille, les peurs enfouies me torpillent. Bien sûr on n'y peut rien, mais pour maman c'est la fin. Et je me demande comment faire sans cet indécent. J'ai pas la clé pour résister, couleur de sang incandescent. Je suis effrayé, paralysé, la souciance s'est envolée, les repères ont explosé. Quel sens donner à ma vie si j'ai plus d'envie? Je sais pas bien comment faire sans cet indécent. J'ai pas la clé pour résister, couleur de sang incandescent. Je suis effrayé, paralysé, comment faire sans cet angoissant. J'ai pas la clé pour résister. Un autre habitué de la courte échelle, c'est Gérard Roussel avec Triste fête au village. Effrayé, paralysé. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. C'est la fête au village, mais ce soir je suis malheureux. Tourner la page, me quitter, me dire adieu. Tu fais naître l'orage, tu dis que c'est pour le mieux. Mais tu prends en otage les rêves qu'on a fait à deux. Mets ton verre sur la table et regarde-moi dans les yeux. Dis-moi qui est coupable de nos larmes et nos adieux. Adieu. capable de nous larmer nos adieux. Je vous laisse découvrir cette nouveauté, la courte échelle Fa System avec Le Moustique. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. La courte échelle. Don't Stop the Music, c'est le nouveau single de Johanna Saint-Pierre. Il est sorti il y a peu, le voici pour vous dans la courte échelle. Jusqu'au bout de la nuit. Retour sur un titre paru il y a quelques semaines dans cette édition de La Courte Échelle, un titre d'Absolute Insa, Change. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. On peut encore le constater cette semaine dans La Courte Échelle, tous les styles sont représentés. Voici Jamie J avec The Passenger. La Courte Échelle. Retour à la chanson francophone avec Éric Baudry et La Futilité. Le rendez-vous des artistes indépendants. Je suis une marionnette, je critique, je rouspète. Je ne suis qu'un pantin, faut toujours qu'on me tienne la main. Je suis une marionnette, pacifique mais redneck. Je ne suis qu'un pantin, je fais pareil comme mon voisin. Et de longs discours et de grands détours qui font briller la futilité. Après le discours à bout de détour, on se rendra jamais dans 100 ans. Je tiens par les fils de la bonne conscience. Je reste immobile, sauf pour prendre des vacances. Je tiens par les fils du libre-échange. Je reste immobile, je veux surtout pas qu'on me dérange. Et de longs discours et de grands détours qui entraînent à la futilité. Après le discours et à bout de détour, on se rendra jamais dans 100 ans. Chemin, les erreurs qui se répètent et je n'y change rien. Je vois dans mes lunettes la vie qui s'éteint. Les erreurs se répètent et j'ai l'impression de servir à rien. Et de longs discours et de grands détours qui font traîner la futilité. Après le discours à bout de rendra jamais dans 100 ans. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. January Sons avec Ocean of Days. Sunlight on my face, I can easily trace the signs. And two songs in a dance, I could draw the shade. Despite my closed eyes, they're running in a field of, in a field of wildflowers. All the space, all the time, and reuniting a spark. No ocean, no days could tear them apart. And they're not to unveil, they'll lead to the start. Whoa. face and red to black. No ocean of days could tear them apart as they're standing there in a chapel yard. Certaines chansons semblent ne jamais passer de mode. Prenez par exemple « Tout le monde à la grippe » de Madame Bolduc, très connue au Québec. Chanson parue initialement en 1939, changez quelques mots ici et là et vous obtiendrez des propos tout à fait d'actualité. C'est ce qu'a fait le collectif La Chasse à Balcon qui propose au Québec depuis 2014 des événements gratuits à la population des quartiers afin de développer la cohésion entre voisins. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. On a eu une pandémie parce que tout le monde est grippé. Y'a personne de mes amis qui a pas eu la grippe cette année. Tous les magasins d'aubaine, ils font de l'argent comme de l'eau. Les mouchoirs, c'est à douzaine pour ceux qui ont le rhume de cerveau. Ça commence par un frisson, ensuite vous éternuez. Là, vous l'avez pour de bon, c'est le temps de vous confiner. Un petit gin pis du citron, avec ça vous allez suer. Évitez les courants d'air pour pas mourir les pattes en l'air. Tabidou, achou, laidin, dop, tadidin, de. Tabidou, achou, laidin, dop, tadidin, de. Achou, laidin, dop, tadidin, de. Tabidou, laidou, la, de, tadid, tabidou, tadidou, le. Ça vient qu'à empirer, frottez-vous avec l'huile camphrée. Si vous avez mal au cœur, prenez une dose de painkiller. Si vous avez peur d'amour, prenez une dose d'huile de castor. Avec tous ces conseils-là, vous n'aurez pas le corona. Moi pis mon mari, on est allé faire du ski. Arrivé à Mont-Tremblant, il faisait froid, c'était effrayant. J'avais la face comme une forçure, pis le bout du nez, je l'ai dur. Oh, je vous dis que c'est pas rose quand on a un brandy nose. Tabididou, achou, laidin, dop, tadidin, de. Tabididou, achou, laidin, dop, tadidin, de. Tabididou, achou, laidin, dop, tadidin, de. Tabididou, laidou, la, tu, tadid, tabididou, tadid, tadidou, le. Faut se laver les mains longtemps. Si on veut pas attraper ça, l'hiver c'est un mauvais temps pour les rhumes d'estomac. Dans le mois de février, la plupart ils sont grippés. Mais rendu au mois de juin, d'autres attrapent la fièvre des foins. Tabididou, achou, laidin, dop, tadidin, de. Tabididou, achou, laidin, dop, tadidin, de. Tabididou, achou, laidin, dop, tadidin, de. Tabididou, laidin, dop, tadidin, de. Tabididou, laidin, dop, tadidin, de. Stéphane Levac vous présente le cinquième extrait de son EP, sorti en avril dernier. Voici « Donne-moi un autre verre ». La courte échelle. T'as beau dire ce que tu voudras, mais ce que t'as fait, ça se pardonne pas. Je te le jure que j'oublie pas tous les moments qu'on était là. Pogne-moi la main, puis on s'en va. Sans lendemain, on n'y revient pas. Ton odeur sent le bonheur et ta chaleur remplit mon cœur. Donne-moi un autre verre, oui cette nuit on va se la faire. Je veux pas y retourner, dans notre histoire si tourmentée. Donne-moi un autre verre, oui cette nuit on va se la faire. Je veux pas recommencer, on va finir par s'oublier. Toutes les matins, me lever sans toi, et toutes les soirs, je les regrette pas. Une autre chanson, la même voix, sur la même route, moi j'embarque pas. Retourne la voir si tu t'en vas. Un goût amer que tu me laisseras. Comme les autres fois, j'irai là-bas. Au bout du monde, vivre sans toi. Donne-moi un autre verre. Oui, cette nuit, on va se la faire. Je veux pas y retourner. Dans notre histoire si tourmentée. Donne-moi un autre verre, oui cette nuit on va se la faire. Je veux pas recommencer, on va finir par s'oublier. Je veux pas recommencer, on va finir par s'oublier. Et nous allons terminer cette courte échelle du jour avec un autre Québécois que vous connaissez bien. Il s'appelle Guy Brière avec « C'est un signe ». La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Quand on vieillit et sortent les cheveux gris, quand les tours de rein deviennent nos seuls manèges, quand on se dit ouais, j'aurais peut-être pas dû pelleter ma neige. C'est un signe, un autre pas, une autre glissade vers l'avant. Vers ce qui se passera après, maintenant. Quand on se couche aux côtés de sa vieille, puis qu'on se demande si on l'a fait la veille, on dort ou bien on baise, les deux ensemble dans nos rêves. C'est un signe, un autre pas, une autre chute vers l'avant. Surtout si tu te couches sans tes dents. Quand on se réveille plusieurs fois par nuit, même si les enfants ont quitté le nid, quand ta vessie tique ton sommeil et que ta femme ronfle aux corneilles. C'est un signe, un autre pas, une avancée vers l'au-delà. Surtout quand tu dors avec tes bras. Quand les choses banales se transforment en chez le journal occupe ton avant-midi. Quand ton bol de paparman devient ton meilleur ami. Quand tu n'as plus aucun organe encore sur la garantie. C'est un signe que l'on vieillit, mais qu'on n'est pas mort. Même si certaines choses paraissent bizarres. Quand on ne sait plus qui a laissé passer. Eh bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable continuation à l'écoute de votre radio préférée. On se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien, pour découvrir deux nouveaux artistes indépendants dans un prochain numéro de La Courte Échelle. Soyez heureux. Notre pas, une autre enjambée vers l'avant. Une période de fuite, de relâchement. C'est un signe, un autre pas, une autre glissade vers l'avant. Vers ce qui se passera après, maintenant. Votre instant d'évasion. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.